بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأون سيغيني سوسواغ بور فولير لا ريبليك دو شيخ عبيد حفظه الله تعالى كي لا في دو سومين أبو بخي à Dr. Ibrahim Rouhaili. فالشيخ اقترح علي ترجمة ردي على الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي، وبالنسبة لاقتراحه لي هذا أمر لا يرد، لأن فيه فوائد للإخوة والأخوات. الشيخ حفظه الله تعالى ما سجغي lors de l'une conversation téléphonique de traduire cette réplique qu'il a fait à Dr. Ibrahim Rouhaili. Et la suggestion de Sheikh Obeid, pour moi, je la considère comme un ordre qui ne doit pas être refusé, hein, et qu'il faut mettre en application. Car dans cette réplique, il y a des grands points à retenir pour les frères et les sœurs. وقبل ذلك أذكر الإخوة والأخوات بما قاله شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في أجوبته على بعض أسئلة شباب المغرب. Et avant tout ça, je rappelle à mes frères et mes sœurs ce qu'avait dit notre cher Cheikh Obeid Hafidhahullah Ta'ala dans certaines réponses qu'il a fait pour certaines questions que les jeunes du Maroc lui ont posées. يقول Hafidhahullah الردود باب من أبواب الدعوة فيها نشر للسنة ودفع للبدعة وصيانة لأهل السنة من خطر المبتدعة. Il dit Hafidhahullah Ta'ala, les répliques, c'est un des chapitres parmi les chapitres de la da'wa. Et il y a dans les répliques le fait de propager la sunna et de repousser l'innovation et de protéger les gens de la sunna du danger des innovateurs. Il dit « Wa la a'rifu 'aliman min ahli as-sunnah fadlan 'anil a'imma yanha 'anil rudud abadan la yanhauna 'anha nahyan mutlaqan bal yanhauna nahyan muqayyadan. » Il dit Hafidhahullah Ta'ala, je ne connais pas un homme de science parmi les gens de la sunna interdire les répliques, jamais ils ne l'interdisent pas dans une interdiction au sens large du terme, mais ils l'interdisent d'une interdiction conditionnée. يقول فإذا رأى العالم تلامذته أو أهل بلده تركوا الفقه في العقيدة والعبادة والمعاملة وانصرفوا إلى الردود فإنه يحذرهم ويقول لا تنشغلوا بالردود، يعني لا تجعلها شغلكم الشاغل. Il dit حفظه الله تعالى et quand l'un des hommes de science voit que ses élèves ou les gens de son pays ont délaissé le fait d'apprendre les croyances et de comprendre les adorations et qu'ils se sont tournés complètement vers les répliques, là il les avertit et il attire leur attention. Il dit ne vous préoccupez pas avec les répliques, ça veut dire il ne faut pas que ça soit votre préoccupation à longueur de journée. يقول فهو يريد أمرين، يعني هذا العالم السني وكذلك الإمام من باب أولى يريد من تلامذته ومحبيه من أهل بلدي وغيرهم الذين جمعت بينه وبينهم السنة والمحبة في ذات الله تحاب في ذات الله يريد منهم أمرين. Il dit, et dans ces cas-là, cet homme de science sunnite et les imams à ce niveau-là aussi, ils veulent de leurs élèves et de ceux qu'ils aiment parmi les gens de leur pays et autres avec lesquels ils sont unis pour la sunna. Et c'est la sunna qui l'a réuni, qui les a unis, l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala les a unis. Il dit, il veut deux choses. L'amr al-awwal, التحصيل العلمي فأنت إذا نظرت في الأئمة الذين حذلوا من البدع وأهلها وفندوا شبه المبطلين وسانوا هذا الدين عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وجدتهم يتكلمون بعلم لا بعاطفة وكذلك من ولتهم من أبنائهم وأحفادهم وإخوانهم على نفس النهج وذلكم حرصا على تحقيق ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أخبر به من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Il dit donc, cet homme de science, ou cet grand imam, il veut deux choses. La première, c'est que ses élèves et ceux qu'il aime, hein, ils aient un bagage scientifique. Il dit, quand il regarde les imams qui ont averti contre les innovations et les gens de l'innovation, et qui ont anéanti et détruit les ambiguïtés des faussaires, et qui ont protégé cette religion de la déformation de ceux qui sont allés à l'extrême et du déguisement des faussaires et des fausses interprétations des ignorants, tu trouves que ces imams ne parlent avec science, ils ne parlent pas avec leurs sentiments, mais ils parlent avec science. Il dit, il en est de même de ceux qui les ont hérités. Parmi leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs frères, ils étaient sur la même voie. Et tout ceci parce qu'ils tenaient à accomplir la chose vers laquelle Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention quand il a annoncé en disant « Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. » يقول الشيخ حفظه الله قال أهل العلم ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين هذا مفهوم الحديث وهذا صحيح. Et les hommes de science disent, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas le bien, il lui donne pas la compréhension de la religion. Et ça, c'est la compréhension du hadith. Et ceci est vrai et authentique. يقول الأمر الثاني أن يأخذوا من الردود بقدر فقط بحيث لا تشغلهم عن العلم فأنتم تعلمون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. Il dit le deuxième point, c'est qu'ils veulent de leurs étudiants qu'ils prennent des répliques ce qu'ils ont besoin, et que ces répliques ne les préoccupent pas et ne les détournent pas du fait de demander la science. Car vous savez que les prophètes n'ont pas laissé en héritage un sou, mais ils ont laissé comme héritage la science. Et celui qui l'apprend, il a pris une grande part du bien. Et ça, c'est le conseil de notre prophète. Yaqul wa ala hada فإن من يتناول الردود ويطالعونها أصناف. Il dit, partant de là, ceux qui lisent, qui s'occupent des répliques et qui les lisent sont des catégories. صنف عنده القدرة على الجمع بينها وبين مسائل العلم فهذا لا يرد هذا يؤيد ويبارك له صنيعه ويشد أزره ما دام عنده قدرة على تحصيل المسائل العلمية دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها فهذا لا يثنى ولا يجوز أن يثنى ما دام أنه لم يهمل الجانب العلمي التحصيل العلمي. دي une catégorie, les gens devant les répliques sont des catégories. Là, il nous cite la première catégorie. Il dit la première catégorie, c'est ceux qui ont la capacité d'unir entre le fait de s'occuper et de lire les répliques et entre la science aussi. Il dit celui-là, on ne le détourne pas du fait de se préoccuper des répliques. On lui bénit ce qu'il est en train de faire et on tient, on le renforce tant qu'il a la capacité d'acquérir la science, d'acquérir les sujets minutieux de la science et les grandes parties de la science et les petits sujets de la science. Tant qu'il est ainsi, on ne le détourne pas. Il n'est pas permis de le tourner ou de le réprimander. Tant qu'il ne néglige pas l'acquisition scientifique. يقول حفظه الله الصنف الثاني من لا هم لهم في تحصيل المسائل العلمية بل مطالعة ما يجري في الساحة وفلان قال فهذا الذي يشدد عليه لا من باب أنه ركب بدعة ولكن من باب مصلحته هو فيقال أنت أهملت أمرا أكبر من هذا فإذا ذهب العلماء الذين دفع الله بهم البدع وأهلها وكانوا جبالا من يرثهم إذا لم يكن لدينا علم. Il dit la deuxième catégorie qui se préoccupe des répliques, il dit des gens qui n'ont pas de soucis et qui négligent le fait l'apprentissage scientifique. Leur grand souci, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Celui-là a dit, tel a dit, l'autre a dit. Il a dit, celui-là, il faut être sévère avec lui. Non pas parce qu'il a commis une innovation, ou il est sur une innovation. Non, mais pour son intérêt. On lui dit, tu as négligé quelque chose de très important. Hein? Plus important que ce que tu es en train de faire. Car quand les hommes de science disparaissent, avec quoi? Les hommes de science qui ont repoussé et qui ont combattu l'innovation et les gens d'innovation et qui étaient des montagnes de science. Qui va les hériter si on n'a pas de science? C'est-à-dire si on n'a pas appris. يقول هل يرثهم الجهال يا أبنائي؟ هل يصلح الجهال بعدهم لرئاسة الناس وقيادة الناس وهداية الناس؟ أبدا. هؤلاء يضلون ويضلون. فمن هذه الناحية نشدد على أخينا ويقال له اتق الله، أنت جعلت وقتك كله أو جله في الردود، وكان يكفيك أن تعلم بأن الإمام فلان أو العالم فلان رد على فلان من الناس وكشف عن حاله وهتك ستره لما هو راكب إياه من البدعة والضلال، يكفيك هذا. إن دي حفظه الله تعالى اسكو مانتنو. C'est les ignorants qui vont hériter des hommes de science. Est-ce que les ignorants sont aptes à guider les gens et à être à la tête des gens et à orienter les gens? Jamais de la vie. Ceux-là, ils se sont égarés et ils vont égarer. Il y a des partants de ce point-là. Nous allons être sévères avec notre frère. On doit lui dire, crains Allah Azza wa Jal, tu as fait que ton temps, tu le passes tout le temps que dans les répliques. Ça te suffit de savoir que tel imam, il a répliqué à tel, ou tel homme de science, il a répliqué à tel parmi les gens, et qu'il a montré sa situation, et qu'il a fait découvrir aux gens, et il a fait montrer aux gens l'innovation dans laquelle il est, et l'égarement dans laquelle il est. Ça te suffit. Yaqul, wa ana aqulu lakum, ana shakhsiyan. والله ما قرأت كل ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله وحفظ الله جميع علماء الإسلام والسنة بالإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات. Il dit حفظه الله تعالى. Écoute bien. Moi je vous dis personnellement je n'ai pas lu tout ce qu'a écrit Cheikh Rabi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les gens, les savants de l'islam et de la sunna. Qu'il les préserve avec l'islam et avec la sunna. Durant leur vie après leur mort. يقول ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله عن سيد قطب والله ما قرأته كله أبدا ولكن فهمته قرأت بعضه ففهمت البقية. Il dit tout ce qu'il a écrit Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala concernant Sayyid Qutb, je l'ai pas lu tout entier, jamais, mais il dit j'ai compris, j'ai lu une partie et j'ai compris le reste. يقول لأن الشيخ ربيع عندي صاحب راية يرفع بها لواء السنة ويذب عنها وعن أهلها فما رفعها ولله الحمد في وجه محارب معادي للسنة إلا عادت هذه الراية منصورة مؤزرة قوية ما لانت ولا هانت وقد فضح بها ولله الحمد أهل البدع والضلال وأساطين أهل البدع والضلال. فكفاني أن الشيخ ربيع رد على فلان أو أن الشيخ محمد بن عثيمين رد على فلان، كفاني. يقول حفظه الله تعالى car Cheikh Rabi' pour moi c'est l'homme de l'étendard, il a élevé un étendard de la sunna, il défend la sunna, il défend les gens de la sunna, et chaque fois qu'il lève son étendard il revient toujours victorieux. Chaque fois il a louangé Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lève son étendard contre un ennemi de la sunna, contre quelqu'un qui combat la sunna, cet étendard il revient victorieux, renforcé. Jamais son étendard n'a faibli. Et Allah subhanahu wa ta'ala, louange Allah subhanahu wa ta'ala, il a divulgué beaucoup de gens de l'innovation et de l'égarement, et beaucoup de piliers et des personnes très importantes dans l'innovation et dans l'égarement. Il dit ça me suffit, les répliques du Cheikh Rabi' sur tel ou tel, ça me suffit, ou les répliques du Cheikh Mohamed bin Salah Al-Uthaymeen sur tel ou tel, ça me suffit. Yaqul le Cheikh as-sinfu al-thalith amam ar-rudud man la yadri amma yajri fa hadha nakunu ma'ahu ونطلعوا على ما وجه به علماء السنة أساطين الضلال وإمة البدع حتى يكون على بصيرة ولا يؤتى من غرة هذا هو المنهج الصحيح بارك الله فيكم. Il dit, citant la troisième catégorie des personnes face aux répliques, il dit des gens qui ne savent pas ce qui se tourne autour d'eux et ce qui se trame autour d'eux, ne savent pas ce qui se passe. Il dit celui-là, on doit être avec, on doit lui faire connaître ce qui se passe, on doit lui montrer et lui faire connaître les répliques qu'ont fait les hommes de science de la sunna au pilier de l'égarement et de l'innovation pour qu'il ait une certaine clairvoyance, comme ça il ne se fait pas avoir. Il dit ça, c'est la voie authentique, Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Yaqul wa a'tikum mithalan الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو من تعلمونه لما سئل عن سيد قطب قال أنا لا أدري عنها ما قرأت له كثيرا قرأت أول الأمر إن كنت في الشباب ومرة قال كفانا فيها أخونا الشيخ ربيع أحالك فهمتم أحالك وآخر أمره قال رحمه الله لولا الورع لقلنا بكفر سيد قطب حدثني بهذا وأنتم قولوا حدثنا عبيد الجابري عرفتم اسمي وإلا لا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا حفظ الله الجامعة الإسلامية وجامعات أهل الإسلام وصانها من كل مكروب. أنا أقول حدثني الدكتور عبد الله بن زيد المسلم من أهل عنيزة بهذا الخبر فأنتم قولوا حدثنا عبيد الجابري قال حدثني عبد الله بن زيد المسلم وقد فهمتم الخبر. Il dit حفظه الله تعالى. Et je vous donne un exemple. Cheikh Mohamed bin Athaymin rahmatullah alayh. Et vous savez qui c'est Cheikh Mohamed bin Athaymin. Quand on lui a posé des questions sur les livres de Sayyid Qutb, il a dit moi je ne sais rien sur ces livres. Je n'ai pas lu beaucoup de ces livres. J'ai lu au début, peut-être quand j'étais jeune. Et une fois, il a dit, notre frère, Cheikh Rabi' nous a suffi. Et il t'a orienté vers Cheikh Rabi'. Il dit, vous avez compris? Et il dit, à la fin de sa vie, c'est-à-dire Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, il dit, si ce n'est le wara, nous aurions dit de là que Sayyid Qutb est mécréant. Et il dit, ceci m'a été rapporté, et vous dites que Cheikh Ubaid nous a dit, vous connaissez mon nom ou pas, Ubaid ibn Abdillah ibn Sulaiman al-Jabiri, l'ancien professeur à l'université islamique, Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'université islamique et les autres universités des gens de l'islam, et que Allah subhanahu wa ta'ala la protège de tout mal. Il dit, je vous dis, docteur Abdullah ibn Zayd Musallam, des gens de Unayza, m'a annoncé cette parole. Et vous dites, Cheikh Ubaid nous a dit, que Cheikh Abdullah ibn Zayd al-Musallam lui a dit, et vous avez compris ce qu'il a dit, c'est-à-dire, la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, si ce n'est le wara, nous aurions décrété la mécréance de Sayyid Qutb. Yaqulu hafidhahullah, fal maqsoud, ana anhaakum ya abnai anishatat, anhaakum anishatat, wa amurukum bil-rifq. فمن نهاني عن الاشتغال بالردود وترك المسائل العلمية أنا لا أشطط عليه، لا أشطط عليه. إذا عرفت أنه من أهل السنة أعرف أنه يريد نصحي ويريد أن أحصل أبوابا من العلم. نعم. Il dit, حفظه الله تعالى, le but, c'est que moi, je vous interdis mes enfants d'être laxistes. Je vous interdis le laxisme. Et je vous ordonne la douceur. Celui qui m'interdit de se préoccuper des répliques et de délaisser les sujets de la science, celui-là, je ne le blâme pas. Quand je sais qu'il fait partie des gens de la sunna, je sais à partir de ce moment-là qu'il veut mon conseil, il veut que j'acquière la science. يقول نعم أهل البدع هم الذين ينهون عن الردود نهيا مطلقا اتركوا الردود دعوا عنكم الردود فيها مضيعة للوقت وفيها مشغلة عن العلم نهيا مطلقا هكذا. Il dit, certes, les gens de l'innovation, c'est eux qui interdisent le fait de se préoccuper de lire les répliques, une interdiction au sens large du terme comme ça. Délaissez les répliques. Vous perdez votre temps dans les répliques. Vous vous préoccupez des répliques et vous n'apprenez pas la science. Ainsi comme ça, dans le sens large du terme. Il dit, لكن أهل السنة لا ينهون نهيا مطلقا وإن قال هذه العبارة مطلقا في وقت لكن جل وقته أو كثير من وقته يريد هذا نعرف هذا من حاله ومقاله. Il dit, mais les gens de la sunna n'interdisent pas les répliques comme ça au sens large du terme. Si ils disent une expression dans laquelle il y a l'interdiction au sens large du thème à un moment, mais dans tous les moments de sa vie, ou dans la plus grande partie des moments de sa vie, hein, il veut ceci. Hein, il ne veut pas le sens large du terme de l'interdiction. Et ceci, on le connaît de sa situation et de ses paroles. يقول فمثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حينما يقول لتلاميذه وأهل بلده والمسلمين لا تنشغلوا بالردود حاله ما هو. Il dit, il donne un exemple, il dit, الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه, quand il dit à ses élèves et aux gens de son pays, aux gens de sa ville et aux musulmans, ne vous préoccupez pas avec les répliques, sa situation c'est quoi? يقول الشيخ حفظه الله حاله على السنة يقررها ويدعو إليها ويدفع عن أهلها بقدر ما أوتيا. Il dit sa situation c'est qu'il est, c'est un homme de la sunna. Il confirme la sunna. Il appelle vers la sunna. Il défend les gens de la sunna avec toutes les capacités qu'il a. Il dit وقرينة الحال تدل في الحقيقة على المقال. Il dit sa situation en réalité prouve ce qu'il dit. تدل وقرينة الحال تدل في الحقيقة على المقال تدل على المراد من المقال. Il dit sa situation telle qu'il est connu, appelant vers la sunna, enseignant la sunna, défendant la sunna et défendant les gens de la sunna, il dit ceci prouve ce qu'il veut dire par sa parole. يقول فإذا قال لك أخ إخواني بنائي أو إخواني سرور قطبي أو تبليغي لا تشغلوا أنفسكم بالردود إن هذه الردود مضيعة للوقت ومشغلة عن طلب العلم فضع عليه علامة استفهام ضع عليه علامة كبيرة ماذا يريد هذا منك يريد أن يروج للبدعة ويمهد لنشرها وتضليل أهل السنة فبان بهذا أن الناهين عن الردود صنفان من الناس. Il dit, حفظه الله تعالى بكنت إخواني بنائي وإخواني سروري قطبي وأن تبليغي. Il dit, ne te préoccupe pas avec les répliques. Ces répliques, c'est une perte du temps. Ces répliques tu détournes de la demande de la science, pose une grande interrogation sur lui. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Il veut propager son innovation. Il est en train de faire une introduction pour propager son innovation et pour égarer les gens de la sunna. يقول فبان بهذا أن الناهين عن الردود صنفان من الناس صنفون هم أهل السنة وهؤلاء لا ينهون عنها نهيا مطلقا وصنف آخر هم أهل البدع وهم الذين يطلقون وأهل البدع نعرفهم نعرف الإخوان المسلمين نعرف التبليغيين نعرف السرورية القطبية ونعرف المتحزبة نعرفهم فإذا كان الذي نهى عن الردود من هؤلاء نعرفه هذا ليس عنده كرامة ولا مكانة أنا منتهن منه لكن من كان من أهل السنة على ما أنا عليه فإن مراده واضح بارك الله فيكم مراده واضح. Il dit, حفظه الله تعالى, nous partons de là, on est ceux qui interdisent le fait de se préoccuper des répliques sont deux catégories de personnes. une catégorie qui sont les gens de la sunna, ils ne l'interdisent pas au sens large du terme. Ils l'interdisent dans certaines conditions, la condition que vous avez entendu tout à l'heure. Quand l'étudiant, il perd son temps, il ne fait que ça, et lui interdisent. Et une autre catégorie de personnes qui sont les gens de l'innovation, ceux-là, eux, ils l'interdisent au sens large du terme. Et il dit, les gens de l'innovation, on les connaît. On connaît les frères musulmans, on connaît les tablir, on connaît les sororis, les qutbis, on connaît les hizbis, on les connaît tous. Donc leur situation, elle est terminée. Et on sait, hein, quand ils interdisent les répliques, on sait. Hein? Et il dit, celui-là, il n'a aucun honneur, aucune place. Voilà, sa situation pour moi, il est fini. Mais, quelqu'un qui est un homme de la sunna, et qui est sur la même voie que moi, je sais ce qu'il veut clairement. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous bénisse. Son but, il est clair. Et son but, vous l'avez su, barakallahu fikum. Et après avoir fait ce rappel, maintenant je commence la première partie de la traduction de la réplique de Cheikh Obeid à Cheikh Abdelrahman al-Ruhayli. وَسَمَّاهَا حَفِظَهُ اللَّهِ تَحْذِيرُ الْمُحِبِّ وَالرَّفِيقِ مِنْ سُلُوكِ بُنَيَّاتِ الطَّرِيقِ. Et maintenant que j'ai terminé avec cette traduction, pour remettre le contexte, pour remettre la situation dans son contexte, maintenant voici le titre de cette réplique. Le titre, il a été donné par Cheikh Obeid lui-même à cette réplique qu'il a fait à Dr. Ibrahim Ruhayli. Et il l'a appelé avertissement à celui qui nous aime et notre compagnon, et qui est notre compagnon, qui ne doit pas prendre les sentiers battus. يقول حفظه الله الحمد لله العلي الغفار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم المصطفين الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه البررة الخيار. أما بعد، فقد اطلعت على عبارات ومقالات لأخينا الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فاستغربت تلك المقالات والعبارات واستنكرتها لأنها شادة عن مسلك السلف الصالحين، مجانبة لما ألفناه وتعودناه من تقريرات أئمة العلم والدين الذين مضوا على اتباع سبيل المؤمنين. ولما ما أمعنت النظر فيها وكررت مطالعتها رأيت لزاما علي أردها بالدليل من الكتاب والسنة والمأثور عن أعلام الهدى وأئمة العلم والإيمان. Il dit, حفظه الله تعالى, après les louanges à Allah, il a prié sur le message عليه الصلاة والسلام, et ses nobles compagnons, il dit, ceci dit, j'ai pris connaissance certaines expressions et certains exposés de notre frère Dr. Ibrahim bin Amr Ruhayli, le prof dans la section croyance à l'université de Médine. Il dit, et ce que j'ai lu, j'étais étonné de ce que j'ai lu, j'ai trouvé tout ceci étrange. Et j'ai blâmé tout ce que j'ai lu, et j'ai rejeté ce que j'ai lu. Car ce que j'ai lu, parmi ces expressions sont marginales par rapport à la voix des pieux aïeux. Et ils sont de l'autre côté par rapport à ce que nous connaissons des confirmations des imams de la science et de la religion qui sont passés sur la voie des croyants. Il dit, comme j'ai regardé et regardé et j'ai lu, j'ai vu qu'il était obligatoire pour moi de répliquer avec les preuves des livres d'Allah et de la Sunna et de ce qui nous a été rapporté des emblèmes de la guidée et des imams de la science et de la foi. يقول والذي حملني على التصدي لتلك العبارات أمور أحدها أني لم أعلم حتى الساعة من تصدى لها وكشف عوارها وأبان شدودها ونذودها من أهل العلم وطلابه. Il dit, ce qui m'a poussé à m'attaquer à ces expressions, des points. Premièrement, c'est que jusqu'à l'heure, je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est attaqué à ces expressions et qui les a dévoilées et qui a montré la marginalité de ces expressions par rapport parmi les hommes de science et les demandeurs de science. ثانيها أن هذه العبارات تلقاها المئات إن لم يكن الألوف ممن يطلبون العلم على أمثال الشيخ إبراهيم عفى الله عنا وعنه، فطاروا بها في الآفاق فشرقوا بها وغربوا، وذلك لمن قدح في أذهانهم وتشربت به قلوبهم أنها ضمن ما يجب التفقه فيه من دين الله. Il dit, deuxièmement, ces expressions, beaucoup, des centaines de personnes les ont accueillies, sinon des milliers parmi ceux qui demandent la science sur les similaires de Cheikh Ibrahim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne et lui pardonne. Et il dit, ils ont pris ces expressions, ils sont allés avec, à l'est et à l'ouest, parce que il s'est instauré dans leur cœur que c'est des choses dans lesquelles il est obligatoire de... que c'est des sujets qu'il est obligatoire et des choses qu'il est obligatoire de comprendre de la religion d'Allah. يقول ثالثها ما أمر الله به ورسوله من واجب النصيحة للعامة والخاصة. قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض مسائلي على باب من تبرك بحجر أو شجرة ونحوها من كتاب التوحيد أن ما دم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. Il dit, حفظه الله تعالى, troisièmement, c'est ce qu'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, l'obligation de faire le conseil au général et au particulier de la communauté. Et il ne cite le verset dont la traduction approximative dit ceci, Allah subhanahu wa ta'ala prit le pacte sur ceux qui ont reçu le livre, qu'ils doivent éclairer les gens, ils ne doivent rien cacher. Cheikh Mohamed Ibn Abdelhab, rahimahullah, dans certains sujets, dans le livre du monothéisme, au chapitre de celui qui prend bénédiction d'un arbre ou d'une pierre ou autre, il dit les choses avec lesquelles, par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les juifs et les chrétiens dans le Coran, ils sont pour nous aussi. يقول ومن السنة المتواترة في هذا الباب ما أخرجه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Il dit de la sunna, à ce chapitre ce qui a été rapporté par l'imam muslim rahimahullah, il hadith du Tamim Dari rapporté par plusieurs voix, et par plusieurs personnes à chaque stade de la chaîne de transmission. Il a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est le conseil. On lui a dit pour qui à Rasoul Allah? Il a dit pour Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah, pour les imams des musulmans, pour le commun des musulmans. C'est-à-dire pour les gouverneurs et pour les hommes de science et pour le commun des musulmans. Qala muqayyiduhu. وسأعرض عليك أيها القارئ جملة من تلك العبارات متبعا كل واحد منها كل واحدة منها. أولا ببيان مخالفتها ونكارتها، ثانيا بالدليل من الكتاب والسنة والمأثور عن الأئمة. Il dit, حفظه الشيخ عبيد الدودي حفظه الله تعالى, je vais t'exposer où toi qui lis un certain nombre d'expressions. Et les expressions qui sont des erreurs dans les paroles et dans l'écrit de Cheikh Rouhaili. Je vais te les exposer en suivant l'une après l'autre et en montrant comment ces expressions sont en divergence et comment ils sont blâmables. Pour te montrer qu'ils sont en divergence avec quoi? Avec le livre et avec la sunna et avec la voix des pieux prédécesseurs. Et comme quoi, c'est des expressions qu'il faut blâmer. Premièrement. Deuxièmement, je te le prouve avec les preuves du livre d'Allah et de la sunna et de ce qui nous a été rapporté par les imams. فأقول وبالله التوفيق وحسبنا ونعم الوكيل. العبارة الأولى. قال الشيخ إبراهيم لكن هنا مسألة أخرى مقررة عند أهل العلم إن أهل السنة قد يحصل بينهم خلاف، وهذه مسألة لا ينكرها من كان له حظ من العلم أنه حصل خلاف واختلاف سواء في مسائل أصول الدين أو المسائل العملية. Il dit, et auprès d'Allah, je cherche la protection. Il dit, la première expression, Cheikh Ibrahim a dit, ici il y a un sujet qui est confirmé, c'est les gens de science et les gens de la sunna. C'est les gens de science, que les gens de la sunna, il y a eu des divergences entre eux. Il dit, ce point-là, personne ne le rejette, tout le monde le reconnaît. Tous ceux qui ont une part de science le reconnaissent. Qu'il y a eu des divergences, que ce soit au niveau des sujets qui concernent les fondements de la religion ou au niveau des sujets qui sont les actes à accomplir dans cette religion. Yaqul, Cheikh Ubayd Hafidhahullah, waqul, هذه العبارة شبيهة في المعنى تماما لعبارة نطق بها الشيخ عبد الله بن محمد الأمين رحم الله الأمين. يدرك وجه الشبه بين العبارتين من كان حاذقا لما تدل عليه الألفاظ من معاني، وهاك ردنا على تلك العبارة بعد نقلنا. Il dit, Cheikh Ubayd de dire, combien cette expression est similaire dans sa signification, complètement similaire à une autre expression qu'avait dite Cheikh Abdullah bin Muhammad al-Amin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde, l'Amin. Il dit, il capte le point de ressemblance de ces deux expressions, celui qui a une intelligence et qui sait ce que veut dire la signification des expressions. Il dit, voici notre réplique. Hein, sur cette expression, après t'avoir lu cette expression, ou là après te l'avoir transcrite. Yaqul, qala Cheikh Abdullah, al-usul, l'i'tiqadat, fiha ashiya, yakunu fiha khilaf. الصحابة اختلفوا في رؤية الله وما كان فيه مشكل، ابن عباس وعائشة اختلفا ما قال واحد للثاني أنت ضال. Et Cheikh Ubayd de dire que Cheikh Abdullah a dit, dans les fondements, dans les croyances, il y a eu des divergences. Les compagnons ont divergé sur la vie d'Allah. Et il n'y a eu pas de problème entre eux. Ibn Abbas et Aisha ont divergé. Et l'un n'a pas dit à l'autre, tu es un égaré. يقول الشيخ عبيد حفظه الله وأقول أولا عفى الله عنا وعنك في عبارتك هذه ما هو تعمية وتلبيس على أبنائك الطلاب في أمر هو من أصول الدين بل هو زبدة الرسالات وذلك من وجهين. Il dit, premièrement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et te pardonne. Dans ton expression ici, il y a un certain aveuglement, il y a un certain déguisement, tu déguises la situation pour tes enfants parmi les demandeurs de science. Dans un sujet qui concerne les fondements de la religion, la crème des messages, et ceci par deux points. وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلِ الْمُخَالَفَةُ الصَّرِيحَةُ لِأَعْلَامِ الْهُدَى وإمة العلم والدين وهنا سوق من أقوالهم ما يرد هذه العبارة. Premièrement, c'est que cette expression, il est une divergence claire à ce qu'ont aux hommes de science et aux emblèmes de la science et aux emblèmes de la religion, et je vais te citer leurs paroles qui vont répliquer à cette expression. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهكذا الفقه إنما وقع فيه وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع، ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقيق منه، وأما الجليل فلا يتنازعون فيه، والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد ولا في الطريق إلى الله التي يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين. مجموع الفتاوى المجلد 19 والصفحة 274. Et Cheikh de nous citer la première parole pour répliquer à cette à cette expression. Il dit, Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, a dit, et ainsi, dans la jurisprudence, c'est-à-dire dans le fiqh, il y a eu des divergences. Parce que les compagnons, en parlant des compagnons, ils n'ont pas su, ils n'ont pas su l'éclaircissement de celui qui a ramené la législation. Il dit, mais cette situation de divergence dans la jurisprudence n'arrive que dans les sujets très minutieux. Il m'a dit, quant au sujet clair, ils n'ont pas eu de divergence. Ils ne divergeaient pas dessus. Il dit, et les nobles compagnons eux-mêmes ont divergé sur certains points, mais jamais ils ont divergé sur les croyances, ni sur le chemin qui va amener vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui va faire que l'homme va devenir un des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et un dévoué proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est rapporté du recueil du Fatawa dans le tome 19 à la page 274. Wa qala ibn al-qayyim rahimahullah, أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ولم يبدوا شيء يبدو لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها ولم أقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالأيمان والتعظيم وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سنن واحد ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عظيم وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين مع أن اللازم لهم فيها أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه إعلام الموقعين المجلد الأول الصفحة 49 et une cette une autre parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit, les gens de la foi, ils peuvent avoir des divergences sur certaines sentences, certains jugements, certaines lois, mais ils sortent pas de la foi. Il dit, et ce genre de litige, ce sont de divergences, il y a eu entre eux les nobles compagnons d'Allah alayhim, dans certains actes et certaines lois, alors qu'ils sont les maîtres, ils sont les meilleurs de cette communauté, et les meilleurs des croyants. Ils sont, après le prophète alayhi salam, les gens qui ont le plus de foi. Mais la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais ils ont divergé sur un seul sujet concernant les noms et les attributs et les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, ils confirmaient ce qui est dans le livre et dans la sunna. Une seule parole ils avaient là-dessus. Depuis leur début, depuis le premier parmi eux jusqu'à leur dernier. Ils lui ont pas donné des noms par fausse interprétation. Ils n'ont pas dévié les sens. Ils n'ont pas annulé les attributs. Ils n'ont pas cherché des exemples à ces attributs. Et aucun parmi eux n'a dit qu'il faut détourner le sens et la réalité de ces noms, ces attributs, et leur donner un sens qui est dans la métaphore. Et le prendre dans au niveau du majaz, au niveau de la métaphore, ils ont accepté les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont soumis, ils ont rencontré, ils ont accueilli les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala avec foi et avec soumission et avec vénération. Ils ont fait que la situation soit unique. Et tout ça sur la même voie. Ils n'ont pas fait comme ils ont fait les gens de l'innovation, qui ont divisé les noms et les attributs, ils ont confirmé certains, ils ont rejeté d'autres, sans qu'ils aient de preuves claires, alors qu'il était obligatoire pour eux de reconnaître ce qu'ils ont rejeté, hein, comme, et aussi de revenir au livre d'Allah et l'authentique de la Sunna, dans ce qu'ils ont confirmé. Et ceci est rapporté de l'Alam al-Waqi'in, tome 1, page 49. يقول وقال شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله الصحابة لم يختلفوا في العقيدة أبدا إنما الخلاف وقع بعدهم المجموع في ترجمة العلامة المحدث حماد الأنصاري المجلد الثاني صفحة 493 مسألة رقم 124. Et il dit, Hafidhahullah ta'ala, et notre cher Cheikh Hamad al-Ansar, rahimahullah, il a dit, les compagnons n'ont pas divergence qui concerne les croyances abadan, jamais de la vie. Mais les divergences sont arrivées après eux. Et ceci se trouve dans l'ensemble du recueil dans lequel il y a la biographie de son éminence, le Muhaddith Hamad al-Ansari, tome 2, page 493, sujet portant le numéro 124. Yaqul, أليست هذه الأقوال كلها متفقة على أن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على أمر العقيدة وما أظن ذا علم صاحب سنة إلا يدرك ذلك. Et Cheikh Ubayd de dire, est-ce que ces paroles ne sont pas l'unanimité sur le fait que les nobles compagnons Ridwanullah alayhim sont unanimes sur le sujet des croyances? Il dit, je ne crois pas que quelqu'un qui a de la science, qui a de la sunna, il dit, je crois que tout un chacun qui a la science et qui a un homme de la sunna, il le sait, il le capte. يقول الوجه الثاني قال الدكتور أصلح الله حالنا وحاله الصحابة اختلفوا في رؤية الله إلى آخره. Et le deuxième point dans la réplique, il dit que le docteur, c'est-à-dire Ibrahim Ruhaili, que Allah subhanahu wa ta'ala réforme sa situation, notre situation, les compagnons ont divergé sur la vie d'Allah. يقول وأقول أيها القارئ الكريم هذا مثال من ابن الأمين على ما قرره من اختلاف الصحابة في أمر العقيدة وأنا أسأل الدكتور فأقول أي رؤية تعني أهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة أم هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأجملت ولم تبين وهذا تلبيس ما بعده تلبيس. الشيخ عبيد الدودير يجدي Ô toi le noble lecteur, ça c'est aussi un autre exemple parmi les exemples du fils de l'Amin, qui a confirmé que les compagnons ont divergé sur le sujet des aqidas, des croyances. Il dit, moi je pose la question au docteur et je lui dis, quelle vue tu veux dire par là? Laquelle? Est-ce que la vue des croyants, le jour qu'ils vont voir leur souverain le jour de la résurrection, ou la vue du prophète alayhi salatu salam, ou la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala par son prophète alayhi salatu salam. Il lui a dit, tu as dit quelque chose en global et tu n'as pas détaillé. Il dit, ça c'est un déguisement derrière lequel il n'y a pas un autre déguisement. يقول فإن كنت تعني الأولى فما سبق نقله عن الأئمة مع دلالة الكتاب والسنة على ثبوتها بما لا يجهله المتوسطون في العلم من أبناء أهل السنة. Il dit, si tu veux la première, c'est-à-dire la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala par le croyant le jour de la résurrection, parce qu'il y a ce qui nous a été transcrit par les imams et les preuves qu'il y a dans le livre et dans la sunna, prouve qu'il est confirmé. Hein? Et même les enfants, les étudiants dans le secondaire ne l'ignorent pas parmi les enfants des gens de la sunna. يقول من ذلك ما أخرجه أحمد ومسلم واللفظ لأحمد عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه فقالوا وما هو لم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Il dit, fait partie de ces preuves, ce qui a été rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Muslim, et l'expression ici est l'imam Ahmad. Rahimahullah ta'ala, et Rahimahullah aimat al-Muslimin, de Suhaib, ibn Sinan, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, il a dit que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les gens du paradis rentrent au paradis, ils seront appelés aux gens du paradis, vous avez un rendez-vous avec Allah que vous n'avez pas vu, c'est-à-dire le rendez-vous, et il leur dit, ils disent, est-ce que tu n'as pas embelli et illuminé nos visages et tu nous as évité le feu de l'enfer et tu nous as fait rentrer au paradis? Et le voile se lève et il voit Allah subhanahu wa ta'ala. Et par Allah, ils n'ont pas eu quelque chose qu'ils aiment le plus que cette vue. Et après, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset. Et ceux qui ont fait les choses à la perfection, ils auront le husna, c'est-à-dire le paradis, ou ziyada, le ziyada, l'augmentation, c'est, dans l'interprétation des hommes de science, c'est la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول وإن كنت تعني الثانية وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به فماذا قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. Il dit, si tu veux par la vue du prophète عليه الصلاة والسلام de son souverain le jour où il y a eu le voyage nocturne, le jour où il y a eu l'ascension au ciel, qu'est-ce qu'il a dit ابن عباس et qu'est-ce qu'a dit عائشة كالله سبحانه وتعالى les agré. قالت عائشة رضي الله عنها لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الحديث أخرجه البخاري. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas et qu'est-ce qu'il a dit Aïcha, que Allah subhanahu wa ta'ala les agré. Aïcha a dit, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, mes cheveux se sont dressés de ce que tu viens de dire. Où tu es de ces trois? Quand quelqu'un te cite ces trois, il a menti. Celui qui te dit que Muhammad alayhi salam avait son chevrat, il a menti. Et il a lu le verset, les vues ne le captent pas et lui il capte tout. Il capte toutes les vues et les al-latif al-khabir, le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Wa qala al-hafidh ibn Hajar fi Fath al-Bari ja'at 'an ibn Abbas akhbar mutlaqa wa ukhra muqayyada fa yajib haml mutlaqaha 'ala muqayyadiha fa min dhalika ma akhrajahu an-Nasa'i bi isnad sahih wa sahhahahu al-Hakim aydan min tariq 'Ikrimata 'an ibn Abbas qala أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد وأخرجه ابن خزيمة بلفظ إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة الحديث وأخرج ابن إسحاق من طريق عبد الله بن أبي سلمة أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس هل رأى محمد ربه فأرسل إليه أن نعم ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العارية عن ابن عباس في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه بفؤاده مرتين وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضا عن ابن عباس قال لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه إنما رآه بقلبه وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب فتح الباري المجلد الثامن الصفحة 608. Et le Hafid ibn Hajar, dans l'interprétation de Sahih al-Bukhari, dans Fath al-Bari, il dit, nous a été rapporté de Ibn Abbas des annonces qui sont au sens large du terme, et d'autres annonces qui sont conditionnées. Et donc il est obligatoire de ramener le sens large du terme vers le conditionné, et le conditionné par les versions dans lesquelles il y a le conditionnement. Il dit, fait partie de tout ceci, ce qui a été rapporté par Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique et authentifiée par le Hakim aussi, de la voix de Ikrima, de Ibn Abbas, qui a dit, est-ce que vous vous étonnez que Ibrahim, il est l'ami intime et que Allah a parlé à Moussa et qu'il a vu soit Muhammad, il a été rapporté par Ibn Khuzayma avec l'expression Allah subhanahu wa ta'ala a élu Ibrahim en étant son ami intime, le hadith, et rapporté aussi et sorti aussi Ibn Ishaq de sortir de la voie d'Abdullah Ibn Abi Salama que Ibn Omar il a envoyé à Ibn Abbas, est-ce que Muhammad, en parlant du prophète, il a vu son souverain? Et Ibn Abbas lui a envoyé, lui a dit oui. Et fait partie de ça, ça ce sont les expressions dans lesquelles, au sens large du terme, sans qu'il soit conditionné. Et fait partie de ça aussi, ce qui a été rapporté par Muslim, de la voix d'Abil Aliya, d'Ibn Abbas, au concernant le verset qui dit, et le cœur n'a pas démenti ce qu'il a... Le cœur n'a pas démenti ce qu'il a vu. Et il l'a vu à une autre place. Elle dit, Ibn Abbas a dit, il a vu son souverain avec son cœur deux fois. Ibn Abbas de dire, de confirmer qu'on croit Rasoul a vu Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur, la vie du cœur deux fois. Et il a une autre voix de Ata d'Ibn Abbas qui a dit, il l'a vu avec son cœur. Et plus clair que ceci, ce qui a été rapporté par Ibn Mardawai de la voix de Ata, que Ibn Abbas a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah avec ses yeux, mais il l'a vu avec son cœur. Et il dit, partant de là, on réunit la confirmation d'Abdullah ibn Abbas et la négation de Aïcha. Et on porte la négation de Aïcha sur le fait que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah avec ses yeux. Et on porte la confirmation d'Abdullah ibn Abbas sur la vie du cœur. Et ceci dans Fath al-Bari, page 608, le tome 8. يقول وبهذا التقرير يتحصل عند القارئ اللبيب أن الدكتور لم يكن سديد القول ولا مصيبا للحق في هذه المسألة لما عمد إليه من الإجمال وترك البيان وما عرف هذا إلا عن أهل الأهواء يسلكون ذلك لبسا للحق بالباطل والهدى بالضلال والسنة بالبدعة. الشيخ عبيد حفظه الله تعالى il dit après cette confirmation, il apparaît au lecteur doué de raison et qui a une raison que le docteur, c'est-à-dire Cheikh Ibrahim al-Ruhayli, sa parole n'était pas juste, il n'a pas touché avec la vérité à ce niveau-là concernant ce sujet, parce que il a été dans le général et il a délaissé les éclaircissements. Et ceci, le fait d'aller dans le général et de ne pas éclairer, ceci n'est connu que des gens de l'innovation qui suivent ce chemin pour déguiser la vérité avec le faux. Il a guidé avec l'égarement, il a sunna avec l'innovation. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. Il cite un poème dans la Nounia d'Ibn al-Qayyim qui dit, tu dois détailler et tu dois faire la particularité, car le sens large du terme comme ça et le général sans détail, sans éclaircissement, ils ont rendu mauvais cet univers et ils ont fait patauger les esprits et les opinions en tout temps. Yaqul Cheikh Habidallahu Ta'ala, wa ma adunnuka ayyuha al-qari' ba'da nadari al-basar wal-basira illa tudriku wajha ash-shabah bayn al-maqulatayn wa sawfa taqul ma ashbaha al-laylata bil-bariha wa ara an azida huna fi ar-radd maqulatayn sadidatayn ihdahuma fatwa al-lajna ad-da'ima wath-thaniya li fadilati ash-shaykh Salih al-Hudayn waffaqa Allahu al-jami'. Il dit, je crois que maintenant toi le lecteur, après la vue et la clairvoyance, tu captes le cas de ressemblance entre les deux paroles. Les paroles de qui? La parole de Abdullah ibn Muhammad al-Amin et la parole de Cheikh Ibrahim al-Ruhayli. Et tu vas dire combien la soirée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier. Et il dit, et je vois que si je vais augmenter encore, je vais rajouter une autre réplique. Une autre réplique à ces deux paroles. Et cette réplique vient directement, et ces deux répliques vient l'une du conseil et du verdict. Et le deuxième, il vient de son éminence, Cheikh Salih al-Haydan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit tout le monde. يقول وسئلت اللجنة الدائمة هل يجوز القول إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه في ليلة المعراج وهل الموتى يسمعون أم لا ويقول إن هذا من العقيدة دي لا question a été posée au comité permanent de la science et du verdict. Est-ce qu'il est permis de dire que les nobles compagnons que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée ont une divergence dans les croyants comme le fait que est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a vu son souverain ou pas le jour de l'ascension ou est-ce que les morts entendent ou pas et ainsi de suite et de dire que ceci fait partie de l'aqidah. Al-jawab Al-aqidah al-islamiyya walhamdulillah laysa fiha ikhtilafun bayn as-sahaba ولا غير ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة. Et la réponse du conseil dit, les croyances islamiques, la louange est à Allah, il n'y a pas eu de divergence entre les nobles compagnons et ceux qui sont venus après eux parmi les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. لأنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة. Car ils croient en ce qui a été prouvé par le livre et la sunna. ولا يحدثون شيئا من عند انفسهم او بارائهم اي انه راجوت با يرامن با quelque chose de nouveau d'eux-mêmes ou de leurs opinions وهذا الذي سبب اجتماعهم واتفاقهم على عقيده واحده ومنهج واحد عملا بقوله عز وجل في سوره ال عمران الايه 103 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اي Et ça, c'est ce qui a causé leur union et leur unanimité sur une aqidah authentique, une voie unique, une seule aqidah, une seule voie. Mettons en application ce verset dans Surat Al-Imran, le verset 103, et cramponnez-vous tous. Allons d'Allah tous, et ne vous divisez pas. يقول ومن ذلك مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فهم مجمعون على ثبوتها بموجب الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة ولم يختلفوا فيها. Il fait partie de ces sujets, le sujet de est-ce que les croyants vont voir leur souverain ou pas le jour de la résurrection. Ils sont à l'unanimité sur le fait que la vue est confirmée. Les preuves sont là, sont nombreuses du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi les croyants vont voir leur souverain le jour de la résurrection. Il n'y a pas eu aucune divergence, c'est les compagnons, sur la vue des croyants d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. يقول وما الاختلاف في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج رؤيا بصرية فهو اختلاف في واقعة معينة في الدنيا وليس اختلافا في الرؤية يوم القيامة. Et quant à la divergence sur le fait est-ce que le messager d'Allah a vu son souverain le jour de l'ascension avec sa vue avec ses yeux, il dit ça, c'est une divergence sur un événement bien précieux qui s'est passé dans ce bas monde. Et c'est pas une divergence sur le fait, la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. يقول والذي عليه جمهورهم وهو الحق أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه لا ببصره لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال نور أنا أراه فنفى رؤيته لربه ببصره في هذا المقام لوجود الحجاب المانع من ذلك وهو النور ولأنهم مجمعون على أن أحدا لا يرى ربه في هذه الدنيا كما في الحديث واعلموا أن أحدا منكم لا يرى ربه حتى يموت رواه مسلم إلا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه لم يره بهذا الاعتبار. Et il dit, et le verdict, le conseil du verdict de dire, hein, quant à la divergence sur le fait est-ce que le prophète alayhi salatu wasalam a vu son souverain le jour, la nuit de l'ascension, est-ce qu'il l'a vu avec ses yeux ou pas, il dit ça c'est une divergence sur un point bien précis qui s'est passé dans ce bas monde. Et c'est pas une divergence sur la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Il la voit sur laquelle il est la majorité. Et c'est la vérité, c'est ce qui est authentique, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son souverain avec sa vue, avec ses yeux, mais il l'a vu avec son cœur. Car, alayhi salatu wasalam, quand la question lui a été posée, il a dit, une lumière, comment je pourrais la voir? Et il a, fait la négation de la vue de son souverain avec ses yeux. Hein? Donc, parce que il y avait le voile qui lui interdisait, ce voile qui était la lumière, qui était l'or, et parce que les nobles compagnons sont à l'unanimité sur le fait que personne ne verra son souverain dans ce bas monde, comme il est rapporté dans le hadith, et sachez que personne parmi vous ne verra son souverain jusqu'à ce qu'il meure, il est rapporté par l'imam Muslim. Sauf en ce qui concerne notre prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, et ce qui est authentique, ce qu'il faut retenir, ce qu'il n'a pas vu avec la vue. Il dit, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Et là s'arrête le verdict de l'Ejna Daima. Wa yaqulu al-shaykh, wa su'ila al-shaykh Salih ibn Muhammad al-Haydan, hafidhahu Allah, udwa hay'at kibar al-ulama, ahsana Allah ilaykum samahat al-shaykh. هنالك من يقرر ويقول أن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة فما حكم ذلك يفتون مأجورين إلى question a été posée à Cheikh Salih ibn Muhammad al-Haydan que Allah subhanahu wa ta'ala préserve qui fait partie du comité des grands savants et lui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala son éminent Cheikh est-ce que il y a des personnes qui disent et qui confirment comme quoi les compagnons ont divergé sur le sujet des croyances. C'est quoi la sentence de ceci? C'est quoi le jugement de ceci? Faites-nous le verdict qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Al-Shaykh, Astaghfirullah, hada la yaqulu illa mubtadi'un dal. Yaqulu as-sahaba takhtalafu. As-sahaba ahlu aqidatin. Idha wujida khilafun baynahum fa innama huwa fi ba'd al-umur al-ijtihadiyya fi al-a'mal. Il dit, Cheikh de dire, je me repens à Allah, ceci ne le dit qu'un innovateur égaré. Il dit, sahaba ont divergé. Sahaba, ce sont des gens de croyance et de aqida. Et quand une divergence y a eu entre eux, la divergence il s'est passée sur certains sujets où il y a l'effort et la place de l'effort de l'interprétation. C'est-à-dire les sujets qui concernent les actes. يقول وأما في أمور العقيدة بأن الله واحد أحد أنه السميع البصير أنه الفعال لما يريد أنه الخلاق أنه خالق كل شيء المطلع على كل شيء لا لن يختلفوا ولا يثير هذا الأمر إلا داعية فتنة إن إما إنه يتستر في ادعاء أنه من أهل الخير قد يكون عرف خيرا وصار يتحدث بالخير الذي يعرفه ليوهن الناس وليجرهم إلى الباطل الذي يجنح إليه ويحرص على إشاعته إن كان من المغترين فليستغفر الله وليتب وليرجع إلى أهل العلم يسألهم وإن كان ممن يجب ممن يحب أن يخفي المقاصد ويغطي أهدافه فليفصح ليتوقع الناس شره من محاضرة بعنوان صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة Il dit compte au sujet des croyances comme quoi Allah est unique, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala entend, voit qu'il fait ce qu'il veut, il n'y a aucune divergence entre les nobles compagnons. Comme quoi il est le créateur de tout, qu'il sait tout, jamais ils vont diverger. Et ne ramène ce genre de cité, de sujet, ramène ce sujet, la divergence, comme quoi les compagnons ont divergé sur l'aqida, qu'un prêcheur de la fitna qui se cache derrière ses prétentions et qu'il prétend qu'il fait partie des gens du bien. Ça se peut qu'il ait connu qu'il a su quelque chose du bien et il a commencé à parler avec ce bien pour que les gens pour que les gens le connaissent et pour qu'il induit les gens en erreur et pour les traîner les gens vers le faux vers lequel ils penchent. Et qu'il veut propager ce faux qu'il veut propager. Et s'il fait partie de ceux qu'on a induits en erreur, qu'il doit se repentir, demander le pardon à Allah, il doit se repentir et revenir vers les hommes de science, leur poser des questions. Et s'il fait partie de ceux qui cachent leur but et qui couvrent leur but, il doit déclarer ses buts pour que les gens se préservent. De son mal, et ceci est extrait d'une conférence qui est intitulée « Les caractéristiques du groupe sauvé et du groupe victorieux ». Al-ibara thaniya. قول الدكتور في رسالته الموسومة بالنصيحة فيما يجب مراعته عند الاختلاف وضوابط هجر المخالف والرد عليه: ينبغي أن يعلم أن أهل السنة بحق هم أهل الامتثال الكامل للإسلام اعتقادا وسلوكا، ومن قصور الفهم أن يظن أن السني أو السلفي هو من حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب السلوك والآداب الإسلامية وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم. La deuxième expression sur laquelle tombe la critique du Cheikh Obaid Hafidhahullah Ta'ala, la parole du docteur dans sa risala intitulée le conseil Nasiha. Le conseil dans ce qu'il faut prendre en considération au moment de la divergence et les règles de la mise en quarantaine de celui qui est en divergence, il a réplique. Il a réplique à ce divergent. Et il dit, il faut savoir, il est obligatoire de savoir que les gens de la Sunna, les vrais gens de la Sunna, ce sont des gens de soumission complète à l'islam, au niveau des croyances, au niveau du comportement. Et il dit, il y a une diminution dans la compréhension quand on croit que le sunni ou le salafi, c'est celui qui a accompli les croyances, disons, de la Sunna, sans se préoccuper du comportement et des comportements islamiques. Ils sont s'acquittés des droits des musulmans entre eux. قلت فما الذي تفهمه أيها القارئ من هذه العبارة؟ أليست صريحة في أن من لم يعنى بجانب السلوك والآداب الإسلامية وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم ليس بسلفي، أو أن من لم يلتزم بهذا الأمور ليس محققا للتوحيد؟ الشيخ عبيد de poser la question de dire qu'est-ce que tu comprends toi qui lis cette expression? Est-ce que cette expression n'est-il pas clair? Comme quoi, celui qui ne s'occupe pas du comportement et des comportements islamiques et du fait de s'acquitter des droits des musulmans entre eux n'est pas salafi? Ou alors celui qui ne se cramponne pas à ces choses-là n'a pas accompli le monothéisme? Il dit, la réponse à ceci contient deux points. Al-wajhu al-awwal fi raddiha min jihat an-nass ma akhrajahu at-Tirmidhi واللفظ له وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول تنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يدخل مع اسم الله شيء قال الترمذي حسن غريب وصححه الألباني في الصحيحة برقم 135. Le premier point de la réponse à ce qu'a dit Cheikh Dr Ibrahim, c'est la réplique à partir du texte. Le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et l'expression ici est celle d'Ibn Majah, le hadith d'Abdullah ibn Amr, il a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala va sortir un homme de sa communauté devant tout le monde le jour de la résurrection. Il va lui étaler 99 manuscrits devant lui. Chaque manuscrit, il est à perte de vue. Et il lui sera dit, est-ce que tu rejettes quelque chose dans ce qui a été transcrit dans ces manuscrits? Est-ce que mes scribes ont été injustes avec toi? Il dira, non, au souverain, non. Est-ce que tu as une excuse? Il dira, non, au souverain, je n'ai pas d'excuse. Et il lui sera dit, tu as une excuse, sinon tu as une hasana, une hasana. Il n'y a pas d'injustice pour toi aujourd'hui. et sortira une petite carte dans laquelle est marqué « J'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et j'atteste que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah. » Et il lui sera dit « Rapporte ton poids. » Et il dira « Ô souverain, cette petite carte, qu'est-ce qu'il va faire devant tous ces manuscrits ?» Il lui sera dit « Aujourd'hui, aucune injustice ne sera commise sur toi. » Et les manuscrits seront dans un plateau de la balance et la petite carte dans l'autre plateau de la balance, et la petite carte portera le dessus sur tous les manuscrits qui sont au nombre de 99. Car aucune chose ne pourra l'emporter devant le nom d'Allah. Tirmidhi a dit de ce hadith qu'il est Hassan Gharib et il a été authentifié par Cheikh Nasr rahimahullah dans la chaîne des authentiques, et le hadith il porte le numéro 135. يقول الشيخ وإيضاح ما أفاده هذا الحديث أولا أن الرجل لقي الله فاسقا وليس له من الحسنات سوى التوحيد ويزيد وضوحا قوله بلى إن لك عندنا حسنة ولم يقل حسنات يدي حفظه الله تعالى شيخ عبيد يدير الكلاسيسمون sur ce qui nous a ce que nous devons retenir et ce que dit le hadith. Premièrement, on sait que cet homme, il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il était pervers. Il n'a pas de hasanat, sauf le monothéisme. Il dit, nous éclaire sur ceci, la parole, il dit, tu as chez nous une hasanat. Il n'a pas dit des hasanat, il a dit une hasanat au singulier. Il dit, wa taniyan, annahu, law kanat lahu hasanat, la dukirat, fabana bihada al-taqrir, annahu lam yadkhul al-jannah. لم يدخل الجنة إلا بتحقيق التوحيد لأن جميع ما في تلك السجلات كله من السيئات. Deuxièmement, il dit, s'il avait des hasanat, il serait cité. Il dit, à partir de cette confirmation, il nous apparaît qu'il n'est rentré au paradis que par le fait d'avoir accompli le monothéisme. Car tout ce qui était dans les manuscrits, ce ne sont que des erreurs, que ne sont que des péchés. يقول الشيخ الوجه الثاني ما قرره أئمة أهل السنة أن من لقي الله بكل ذنب خلا الشرك والكفر كان تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه وإن عذبه لم يخلده في النار مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Ce qu'ont confirmé les hommes de la sunna, les imams de la sunna, que tout un chacun qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec n'importe quel péché, sauf l'associationnisme et la mécréance, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne. S'il veut le châtier, il va le châtier. Et s'il lui pardonne, ben il ne sera pas éternellement au feu de l'enfer. Ils prennent comme preuve le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salatu wasalam. Du livre d'Allah, ce verset qui dit Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui fasse d'associer. Il pardonne en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. يقول ومن السنة المتواترة في هذا الباب ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى من مات هو يدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. Et de la sunna confirmée de notre messager alayhi salam, rapporté par plusieurs voix et par plusieurs personnes dans les différentes étapes des chaînes de transmission, à ce chapitre-là, ce qui a été rapporté par l'imam Bukhari, d'Abdullah ibn Mas'ud, que Allah subhanahu wa ta'ala agréé, il a dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit une phrase, et moi j'ai dit une autre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt et qui ne fait pas d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, il rentrera. Et celui qui meurt et qui fait un associé à Allah subhanahu wa ta'ala et qui demande un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala et rentrera à l'enfer. Abdullah Mas'ud de dire, et moi je dis autre chose, je dis ceci, celui qui meurt, il n'invoque personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne demande à personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rentrera au paradis. يقول وما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. Et ce qui a été rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala, qui dit, le hadith du Jabir ibn Abdillah, qui dit, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, il dit, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans lui avoir fait aucun associé, rentrera au paradis. Et celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, ou n'ayant fait un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il rentrera en enfer. Yaqul al-shaykh, عبيد حفظه الله ومتع به وأطال عمره في طاعته فهل يجوز بعد هذه النصوص وما في معناها أن يفهم عاقل أن من لم يعنى بجانب الآداب والسلوك إلى آخره عبارات الشيخ ليس بسلفي. Il dit, partons de là, est-ce qu'il est permis, après avoir écouté ces textes et les textes qui vont dans ce sens-là, est-ce qu'il est permis à quelqu'un qui est doué de raison de comprendre que celui qui ne s'est pas préoccupé des comportements, hein, et les expressions de Cheikh, c'est-à-dire de Cheikh Ibrahim, est-ce que celui-là n'est pas salafi ? Yaqul wal hasil min dilalati an-nusus wa atari la'imma min ahli as-sunnah anna ahli as-sunnah qisman ahaduhuma man laqiya Allah ala at-tauhid al-khalis والسلامة من المعاصي فهذا هو المؤمن كامل الإيمان. Et il dit, le résultat c'est le résultat qui sort des textes et des preuves qui nous ont été apportées par les imams de la sunna. Les gens de la sunna sont divisés en deux. Première catégorie, ceux qui rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala avec un monothéisme pur, en étant loin de toute forme de désobéissance, ceux-là, ce sont les croyants qui sont complets dans leur foi. والثاني من لقي الله على التوحيد الخالص مصرا على كبيرة فهذا هو المؤمن الفاسق الذي هو تحت المشيئة. Il dit, deuxièmement, la deuxième catégorie, ceux qui rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala avec un monothéisme pur, mais s'entêtant et étant constamment sur un péché capital. Il dit ça, c'est le croyant pervers qui est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sous le vouloir d'Allah. Yaqul, فَبَانَ لِلْقَارِئِ الْكَرِيمِ أَنَّ عِبَارَةَ الدُّكْتُورِ إِبْرَاهِيمِ عَفَى اللَّهُ عَنَّا وَعَنْهُ مُلَبِّسَةٌ مُوهِمَةٌ فَيَا لَيْتَهُ اكْتَفَى فِي تَقْرِيرِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِمَا مَشَى عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ بَيَانٍ وَجِدْ دِلَالَةِ مِنَ النُّصُوصِ بِلَا عَسْفٍ وَلَا تَكَلُّفٍ. Il dit, il apparaît clairement au noble lecteur que cette expression du docteur Ibrahim, que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et lui pardonne, hein, qui est c'est une expression dans laquelle il y a l'illusion, il y a un déguisement. S'il s'est suffi de confirmer à ce niveau-là la voie sur laquelle étaient les imams, hein, en partant des textes et des preuves qu'il y a dans les textes, sans s'imposer des choses. Fa naqif 'inda hadha al-hadd wa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.